Yes, salut à tous, bienvenue dans vos drives. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 Hector Radio Duo. En ouverture, un superbe hommage ici au guitariste Bruno Ramos. Bruno Ramos, guitariste de Manigance et Sortilège sur la deuxième partie de carrière qui est tristement décédé le week-end dernier. C'était Mourir en héros qu'on renomme ici Mourir en guitare héros. Vraiment un excellent guitariste sous-estimé, guitariste lead français comme vous le avez pu l'entendre sur cet album d'un autre sang qui était le deuxième album complet du groupe Manigance. Depuis, ils ont changé ici de chanteur et ils sont actuellement en train de réenregistrer les anciens titres de leur catalogue. Il y aura d'ailleurs un invité, la personne de Patrick Ronda, sur un titre, ça a été annoncé. Mais ça, ce sera dans les prochaines émissions d'Overdrive. Pour l'heure, ce soir, c'était un hommage à cet excellent guitariste français, Bruno Ramos. On continue avec du bon vieux rock'n'roll, Nestor, les Suédois de Nestor, qui avaient monté ce groupe alors qu'ils étaient tout gamins dans les années 1980-1989. Ils ont eu du succès à partir de 2017, ils nous reviennent avec leur nouveau simple, ça s'appelle In the Name of Rock and Roll. We'll be right back. In the Name of Rock and Roll par le groupe Nestor. Vous êtes toujours à l'écoute du 895 de Radio Duo pour Overdrive et ses 90 minutes de musique qui pulse. On continue tout de suite avec Ted Nugent et son bassiste sur cet album live enregistré le 31 décembre 2000 pour le Whiplash Bash à Detroit et sur lequel on avait un excellentissime groupe qui trio qui accompagnait le Nuge et notamment le bassiste Marco Mendoza. Marco Mendoza, il était cet après-midi du côté de Villars dans le nouveau magasin de Guitar Avenue en showcase et j'ai pensé marquer le coup dans Overdrive ce soir en diffusant un extrait de ce Full Blontal Nugent et le morceau Hey Baby qui est ici chanté par Marco Mendoza. Alors j'ai pas eu la chance d'y être, je ne pourrais pas vous compter à quel point c'était bon, néanmoins j'ai eu la chance de voir Marco Mendoza en live à plusieurs reprises pour des jams du côté de Guitare en Scène ou alors pour les Dead Daisies avec lesquels il était tout simplement magnifique. Ted Nugent tout de suite, Hey Baby. Holmes classic. Hey. One, two, three, four. Thank you very much. Chased by Shadows, extrait de cet album live par le chanteur Romy Romero. Et ça vient de voir le jour sur le label Frontiers Records. Tout de suite, vous êtes bien à l'écoute de Overdrive. Radio Dio, il est maintenant 22h. On va passer encore un petit peu de bonne musique, je l'espère, sur Overdrive, en espérant qu'on trouve quelque chose de sympathique dans ce dernier album de Dirk Schneider. Ce sera Dirk Schneider and the Old Gang. Il nous avait sorti quelques singles sortis en maxi, il me semble, dans les dernières années. Ils reviennent ici avec ce Time to Listen qu'on va écouter tout de suite dans Overdrive, ce bon vieux père Udo Dirk Schneider, qui est bien entendu occupé avec son UDO et son Dirk Schneider and the Old Gang. Tout de suite, Time to Listen. Of that. venez d'entendre le groupe Bread avec qui est un groupe de rock alsacien. Avec la culture et l'Alsace, c'était le feu. Ésotérique, tout de suite sur Overdrive. Temperance tout de suite avec ce morceau d'Aruma et on continue maintenant dans Overdrive avec le groupe Redemption The Hard Way, ce trio familial dans lequel on a un papa et ses deux enfants. Ce sera la famille Kuhn qui sera ici à l'honneur avec ce nouvel album The Hard Way qui vient de voir le jour en autoproduction. On y retrouve une reprise de Motorhead d'Overkill sur laquelle on retrouve la guitariste des Nashville Pussies, mais on s'envoie un original maintenant avec The Flame par le groupe Redemption tout de suite. Il est 22h14 sur le 895 de Duo. Yes, on continue maintenant Overdrive avec le groupe Psycup qui nous revient avec son nouvel album. Ça s'appelle The Joke of Tomorrow, ce sera un morceau maintenant assez festif pour bien entendu célébrer ce vendredi soir. Il est 22h passées de 20 minutes. The Jokes of Tomorrow par le groupe du Sud-Ouest Psycup qui nous revient ici avec toujours ce côté déjanté, décalé et en même temps assez poussé musicalement. Et le morceau Drinks on Me tout de suite sur Overdrive Radio Duo. You wish you knew before what you do know today. Just say. Every day you keep your Et maintenant, au tour de Sky Joggers, vous venez d'entendre le groupe Statement avec The World Is Fading. Comme je le disais, on enchaîne avec Sky Joggers et ce Newtoning qu'on a tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre No Rasa avec ce Tirona et ce morceau Imperial Holocaust tout de suite sur du bon vieux death metal avant que l'on enchaîne avec ce morceau Prosimpium S qui nous sort du Mellow Death avec ce morceau tout simplement intitulé Of Death. We'll be right back. Et on continue maintenant avec Ghost Bath, tout de suite sur Overdrive Radio Dio, et ce morceau qu'on va diffuser, Well I Tried Drowning, tout de suite sur Overdrive Radio Dio. God, pour Ghost Bath, Well I Tried Drowning, et on continue dans le death, dans le black metal mélodique, maintenant avec Dark Knold, qui nous sort cet album ici sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Ce sera ce donc cet album petite seconde, Le Fléau du Rocher avec le morceau Le Cortège Royal par Darkenhold tout de suite. Trompé à la terre, par la son roi. va se quitter maintenant après ce groupe Dark and Hold avec ce cortège royal. Et ce sera autour du morceau California Irish. California Irish, le retour de Cormac Neeson, chanteur de The Answer, dans un projet assez Americana du plus bel effet. Voilà le premier morceau avec les Fast Die Free. Le temps de lancer la bande pour quasiment se quitter dans Overdrive. On rappelle le www.radioaudio. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radioaudio, les podcasts hébergés sur Mixcloud. On se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 8.5 de Dieu. I don't know what you wanted, but I know it's too much. And the worst that can happen is I return to the dust. Yeah. Life can be easy, the road can be hard. Just gotta believe that we know who we are. And I hope there's an angel watching over my life. Where we get there.